Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un mur blanc, des craies, des pinceaux et vous obtiendrez la peinture murale. Un jour, je me suis retrouvé sans feuilles de dessin. Alors je me suis mis à dessiner sur le mur blanc de ma chambre, la toile idéale. J'étais tranquillement en train de créer quand papa est arrivé, les sourcils froncés, les bras croisés. J'ai lâché ma craie, il a souri, l'a ramassée pour tracer une grande porte avec une poignée toute ronde. Il l'a tournée et d'un coup, je chevauchais un lion rose et lui, une licorne arc-en-ciel. On a cavalé à travers une plaine givrée, des montagnes de sable et des forêts pleines de monstres. On a libéré un génie magique d'une machine à laver maléfique, emprisonné un fantôme qui voulait voler la lune et aperçu des fées combattre un gigantesque gâteau zombie. Quand on a refermé la porte, avec papa, on était peinture lurite partout et le mur super coloré. Maman est entrée, les sourcils froncés, les bras croisés. J'ai lâché mon pinceau. Elle a souri. Et je vous laisse imaginer la suite.